en parler. Sifno, Sifno, Sifno, Beurre, Beurre, Beurre, 9-4 Créteil. Beurre, prends parler. Tu rap toi? J'arrive partout comme la drill et la trappe. Je déclare pas tout comme un kilo de frappe. Puis l'enfance, je suis borné comme la Jap. On mise tout sur l'attaque comme la Jax. Un cœur froid, il gèle, moi. Quand je bois ça, tu le sais. Et quand t'as trois, tu flaires, frère. Pour te refaire, pris le ciel. Cherche les bons, je me torture. Pour combler mes torts, je fais des heures sup. La nuit, y'a pas de compte de fées. Moi, quand je fais les comptes, je ne dors plus. Et je parle plus, moi, je négocie. Je mets mes phobies dans le gosier. Y'a ceux qui mangent rien, les grossistes. J'double la mise comme Floby pour de gros billets. Je reste fixé sur mes objectifs. Pendant qu'eux se prennent des projectiles. Dérisoires sur les projets de vie. Rien que ça tire pour des sommes chétives. Ça joue les shows à la John Cena. Ils se défoncent à la coke, c'est naze. Au Sénat, y'a que des grosses pédales. Y'a les lois de la rue, celles du code pénal. Y'a les lois de la rue, celles du code PP. Chez moi, tu fermes ta gueule quand tu te fais péter. Leur défense, c'est des tirs létales. C'est une balle qui attise les flammes. Leur bavure qui attire les drames. Mais la mort sera irrémédiable. Aucun projet de vie sur des low-key. La police locale met des low-kicks. Des gros vendeurs font les gros titres. Et des petits bandeurs de l'ego trip. Gros bonnet et petite pointure. On me reconnaît même sous teinture. J'ai goûté les coups de ceinture. Mais faut qu'on m'enterre dans la droiture. J'oublierai tous mes remords quand je verrai mon jet qui sur la remorque. Même quand je suis discret, on me remarque. Le jour de ma mort, je veux pas qu'on remixe. C'est des mal baisés qui deviennent aigris. Les mecs que t'as aidés qui deviennent ingrats. Tu veux jouer les crampes et les factures. Sinon tu fermes ta gueule, joue pas l'acteur. C'est pas de la hagla, c'est la vie. On pourrait te sortir par la vitre. Internet c'est pas la vraie vie. Dans la rue on balade vraiment. Retour aux sources comme Adriano. Si t'entends ram pam pam c'est pas Rihanna. Le 3 fa filtré nous rend parano. Tu sais combien de potos je perds par année. Y'a les lois de la rue, celles du code PP. Chez moi tu fermes ta gueule quand tu te fais péter. Leur défense c'est des tirs létales. C'est une balle qui attise les flammes. Leur bavure qui attire les drames. Mais la mort sera irrémédiable.